En fait, j'ai bossé dehors. Il y avait un mur qui avait de la mousse et du lierre. Je suis battu contre le lierre. J'ai gagné. Et la salle de bain, elle est à côté de mon petit coin musique.